Chapitre 28. Dans la répugnance qu'avait la sainte de s'engager à cette fondation, Dieu lui commande de l'entreprendre, et lui ordonne ensuite de s'établir auprès d'une église de la Vierge, quoiqu'elle eût déjà fait le marché d'une autre maison. La sainte rapporte aussi de quelle manière l'affaire entre les carmes déchaussées et les mitigés fut accommodée, et qu'ils eurent chacun un provincial. À mon retour de la fondation de Villeneuve-de-Laxard, je reçus un ordre de mon supérieur d'aller à Valladolid, pour satisfaire au désir de l'évêque de Palence, Dom Alvarez de Mendoz. C'était ce prélat qui, étant évêque d'Avila, nous avait permis d'y fonder notre monastère de Saint-Joseph. Et comme on ne peut rien ajouter à son affection pour notre ordre, Dieu lui inspira, lorsqu'il fut passé de cet évêché à celui de Palence, le désir d'y fonder une autre maison. Je ne fus pas plus tôt arrivé à Valladolid, que je tombai dans une si grande maladie, que l'on ne croyait pas que je pusse m'en relever. J'en revins toutefois, mais avec un tel dégoût, une telle faiblesse, et apparemment si incapable d'agir, que, quelque désir qu'eût la supérieure que cette fondation se fît, et quoiqu'elle me pressât de l'entreprendre, je ne pouvais me persuader d'avoir assez de force pour cela, ni quand même je m'y emploierais, d'y réussir, parce que ce monastère devait être fondé sans revenu, et qu'on me disait que ce lieu était si pauvre, que les religieuses n'y pourraient vivre. Il y avait déjà près d'un an que je traitais de la fondation de ce monastère et de celui de Burgos, et il ne me paraissait pas y avoir de grandes difficultés. Mais alors il s'en présentait plusieurs à mon esprit, quoique je ne fusse venu à Valladolid que pour ce sujet. Je ne sais si la faiblesse qui me restait de ma maladie en était la cause, ou si c'était que le diable s'efforçait d'empêcher le bien qui en est arrivé. En vérité, je ne puis voir qu'avec étonnement et un sensible déplaisir, ni même sans m'en plaindre souvent à notre Seigneur, de quelle sorte notre âme participe tellement aux infirmités de notre corps, qu'il semble qu'elle ne puisse éviter d'entrer dans les sentiments qui le font souffrir. C'est, à mon avis, l'une des plus grandes misères de cette vie, quand l'esprit n'est pas assez fort pour s'élever au-dessus des sens et s'en rendre maître. Car, quelque difficile à supporter que soit la peine de sentir de violentes douleurs, je la trouve peu considérable, lorsque l'âme demeure si attentive à Dieu, qu'elle lui rend grâce de ses maux, qu'elle considère comme venant de sa main. Mais souffrir beaucoup d'un côté, et ne rien faire de l'autre pour lui témoigner notre amour, c'est une chose terrible, principalement à une âme qui s'érue dans de si grands désirs de ne chercher sur la terre aucun repos intérieur ni extérieur, afin de s'employer tout entière au service de ce divin maître. Ainsi quand cela arrive, je n'y vois d'autre remède que la patience, la connaissance de notre misère, et la soumission à la volonté de Dieu, qui font que nous nous abandonnons à lui pour se servir de nous en ce qui lui plaît, et comme il lui plaît. C'est l'état où j'étais alors, et quoique convalescente, ma faiblesse était telle, que je n'avais plus cette confiance en Dieu dont il me favorisait dans le commencement de ses fondations. Tout me paraissait impossible, et j'avais besoin de rencontrer quelqu'un qui me redonnât du courage. Mais les uns augmentaient mes craintes, au lieu de les diminuer, et les espérances dont les autres me flattaient me paraissaient si faibles, qu'il ne suffisait pas pour me fortifier dans le découragement où je me trouvais. Le père Ripalda, religieux de la Compagnie de Jésus, arriva alors, et parce que c'était un homme fort savant, de grande piété, et à qui je m'étais longtemps confessé, je lui déclarai l'état où j'étais, et lui parlai comme je parlerais à Dieu. Il fit ce qu'il put pour me fortifier, et il me dit que cette lâcheté était une marque que je vieillissais. Je voyais néanmoins, ce me semblait, que ce n'en était pas la cause, et il paraît que j'avais raison, puisqu'encore que je sois maintenant plus avancé en âge, je n'ai plus cette lâcheté. Mais je crois que ce qui le faisait parler ainsi, n'était que pour me reprendre, parce qu'il n'estimait pas que ce découragement me vint de la part de Dieu. Les fondations de Palence et de Burgos se traitaient donc en même temps, et il n'y avait rien dont je pusse faire état ni pour l'une ni pour l'autre. Ce n'était pas néanmoins ce qui m'arrêtait, car il m'est ordinaire de commencer de la sorte, et ce père m'avait dit que je ne devais point abandonner cette entreprise. Un provincial de sa compagnie, nommé le père Balthazar Alvarez, m'avait confirmé la même chose à Tolède, et comme je me trouvais avoir de la santé, je n'avais point crainte de l'entreprendre, au lieu qu'alors, encore que je déférasse beaucoup aux sentiments de ces deux pères, j'avais peine à me résoudre, parce que ma maladie ou le démon me tenait comme lié, mais je me trouvais depuis avec plus de force et de santé. La prieure de Valladolid, qui affectionnait si extrêmement la fondation de Palence, faisait aussi de son côté tout ce qu'elle pouvait pour m'encourager, et aurait fait encore davantage, si ma froideur ne l'eût point un peu refroidie. La suite fit voir que les conseils des hommes, ni même des plus grands serviteurs de Dieu, ne sont pas capables d'échauffer notre cœur. Il faut que cette chaleur vienne d'en haut, et ainsi quand je fais quelque bien, c'est à Dieu Tout-Puissant qui me fait agir, et non pas à moi, qu'on doit l'attribuer. Lorsque j'étais dans ces doutes, sans pouvoir me résoudre à entreprendre ces fondations, et que je priais notre Seigneur de me donner les lumières nécessaires pour connaître sa volonté, car ma tiédeur n'était pas telle qu'elle pût me faire départir de ses dispositions, un jour, après avoir communié, notre Seigneur me dit d'une manière sévère, « Qu'appréhendez-vous ? Vous ai-je jamais manqué, et ne suis-je pas toujours le même ? Ne craignez point de faire ces fondations. Seigneur mon Dieu, Dieu éternel, que vos paroles sont différentes de celles des hommes. Je demeurai si animé et si résolu à exécuter votre commandement, que, quand tout le monde ensemble s'y serait opposé, il n'aurait pu me faire changer. Je commençai aussitôt à travailler à cette affaire, et notre Seigneur me donna des moyens pour y réussir. Je pris deux religieuses, avec dessein d'acheter une maison, et bien que l'on me dit qu'il était impossible de vivre d'aumône dans Palence, je ne l'écoutais pas seulement, parce que je voyais bien que je n'avais nul lieu d'espérer l'établissement d'un monastère avec du revenu, et que je ne doutais point que puisque Dieu m'avait assuré qu'il se ferait, il y pourvoirait. Ainsi, quoique je n'eusse pas repris toutes mes forces, et que le temps fût fâcheux, je ne laissai pas de partir de Valladolid le jour des Innocents, à cause qu'un gentilhomme, qui était allé s'établir ailleurs, nous prêtait une maison qu'il avait louée jusqu'au terme de la Saint-Jean de l'année suivante. Il y avait dans cette ville un chanoine que je ne connaissais point, mais qu'un de ses amis m'avait dit être un grand serviteur de Dieu, et comme notre Seigneur, qui voit le peu que je puis par moi-même, avait, dans toutes les autres fondations, suscité quelqu'un pour m'assister. Je me persuadai que ce bon ecclésiastique m'aidera en cela. Je lui écrivis pour le prier de travailler à faire sortir un homme qui était demeuré dans cette maison, afin que je la trouvasse libre, sans néanmoins lui en dire la raison, parce que encore que des personnes des plus qualifiées de la ville, et particulièrement l'évêque, témoignassent nous affectionner beaucoup, il importait de tenir l'affaire secrète. Ce chanoine, nommé Reynoso, ne se contenta pas de nous rendre ce bon office, il nous fit préparer des lits et plusieurs autres commodités dont nous avions grand besoin, à cause qu'il faisait très froid, que nous avions marché durant le jour précédent par un brouillard si épais qu'à peine pouvions-nous nous voir, et que nous étions fort peu reposés, à cause qu'il nous fallait tout accommoder pour mettre les choses en état d'y pouvoir dire la messe le lendemain, avant que personne ne sonne notre arrivée. C'est une chose que j'ai reconnue de voir toujours se faire dans ces fondations, parce que si l'on attend que le bruit s'en répande, le démon y suscite des obstacles qui, bien qu'on les surmonte, ne laissent pas d'inquiéter. Ainsi la messe y fut célébrée dès le lendemain au point du jour par un ecclésiastique fort vertueux, nommé Porra, qui était venu avec nous, et par un autre encore, nommé Augustin de la Victoire, fort ami des Carmélites de Valladolid, qui nous avait beaucoup assisté par le chemin, et nous avait prêté de l'argent pour accommoder la maison. J'avais alors sainte religieuse, dont l'une était une converse que depuis assez longtemps je mène avec moi, à cause que c'est une personne d'une telle piété et si discrète, que j'en tire plus d'assistance que je ne pourrais faire de quelqu'une du cœur. Nous reposâmes peu cette nuit, quoique les eaux qui étaient grandes nous eussent beaucoup fait souffrir par le chemin. Mais je désirais extrêmement que la fondation se fît ce jour-là, parce que l'on faisait l'office de David, ce grand roi et ce grand prophète, pour qui j'ai une dévotion particulière. Aussitôt que la messe fut achevée, j'envoyai donner avis de notre arrivée à l'illustrissime évêque, qui ne nous attendait pas encore. Il vint à l'instant nous voir, avec cette grande charité qui lui a toujours plu de nous témoigner. Il me promit de nous fournir du pain, et commanda à son maître d'hôtel d'y ajouter aussi plusieurs autres choses. Les obligations dont notre ordre est redevable à ce prix-là sont telles, que celles qui liront ces fondations ne pourraient, sans ingratitude, ne point le recommander à Dieu durant sa vie et après sa mort. Et je les conjure de s'acquitter de ce devoir. Le contentement que tout le peuple témoignait de notre établissement était si extraordinaire et si général, qu'il n'y avait pas une seule personne qui ne fît paraître de la joie, et la certitude qu'ils avaient que leur évêque l'avait désiré y contribuait sans doute beaucoup, parce qu'ils ont pour lui une affection très particulière, outre que ce peuple a, par lui-même, plus de bonté et de sincérité que je n'en ai remarqué en aucun autre. Ainsi il n'y a point de jour que je ne me réjouisse d'un établissement de ce monastère, comme la maison où nous demeurions n'était que d'emprunt, et que, bien qu'elle fût à vendre, l'assiette en était fort incommode, nous pensâmes aussitôt à en acheter une autre, dans l'espérance que les religieuses que nous recevrions pourraient nous assister, parce que, encore que ce peu serrait beaucoup en ce lieu-là. Mais j'aurais pris de fausses mesures sans le secours des amis que Dieu nous donna en la personne de ce bon chanoine Reynoso, et d'un autre chanoine nommé Salinas, homme de grand esprit et de grande charité, qu'il nous acquit aussi pour amis. Ils embrassèrent tous deux nos affaires avec plus de chaleur qu'ils n'auraient fait les leurs propres, et ils ont toujours continué. Il y a une église en forme d'ermitage, nommée Notre-Dame du Chemin, pour laquelle toute la ville et les environs ont tant de dévotion, que l'on y vient de toutes parts. Ces messieurs, et nos autres amis, jugèrent que nous ne pouvions mieux faire que de nous établir auprès de cette église, et d'acheter des maisons qui louchaient, qui, bien que petites, pourraient nous suffire. Nous nous adressâmes pour ce sujet au chapitre, et à une confrérie de qui cette église dépendait. Le chapitre nous accorda aussitôt ce que nous lui demandions, et quoiqu'il y eût quelque peine à obtenir la même grâce des administrateurs de cette confrérie, ils nous la firent aussi, parce que, comme je l'ai dit, je n'ai point vu de peuple si traitable, si honnête et si porté à toutes sortes de bonnes œuvres. Lorsque ceux à qui ces maisons appartenaient surent que nous en avions envie, ils les surfirent de beaucoup, et il n'y a pas sujet de s'en étonner. Je voulus aller les voir, et elles me déplurent tellement, ainsi qu'à tous ceux qui vinrent avec nous, que je n'aurais voulu pour tout au monde les acheter. Mais on a reconnu depuis que le démon agissait beaucoup en cela, par l'appréhension que nous ne nous y établissions. Les deux chanoines trouvaient aussi, qu'encore qu'elles fussent dans le quartier le plus peuplé de la ville, elles étaient trop éloignées de la grande église, et ainsi nous résolûmes d'en chercher d'autres. Ces messieurs s'y employèrent avec tant de soin, que je ne pouvais me lasser d'en louer notre Seigneur. Enfin ils en trouvèrent une qui appartenait à un nommé Tamao, qu'ils crurent nous être propres, parce qu'il y avait quelques logements que nous pouvions habiter à l'heure même, et qu'elle était proche de la maison d'un gentilhomme fort qualifié, nommé Suero de Vega, qui nous affectionne beaucoup, et qui désirait que nous nous y établissions, comme aussi plusieurs autres personnes de ce même quartier. Cette maison n'était pas assez grande pour nous, et quoiqu'on nous en offrit encore une autre, les deux ensemble ne suffisaient pas pour nous bien loger. Toutefois, sur le rapport que l'on m'en fit, j'aurais désiré que le marché en eût déjà été arrêté, Mais ces deux messieurs voulaient que je visse auparavant la maison, et j'avais tant de confiance en eux et tant de répugnance d'aller par la ville, que j'avais peine à me résoudre de sortir. Néanmoins je ne pus m'en défendre, et j'allai aussi voir ces deux maisons proches de Notre-Dame du Chemin, sans dessein de les acheter, mais seulement pour faire connaître au propriétaire de celle que nous voulions avoir, qu'elle n'était pas la seule dont nous pouvions traiter. Je ne saurais maintenant assez m'étonner de ce que les deux qui étaient proches de Notre-Dame du Chemin me déplurent autant qu'elles avaient fait aux autres. Nous fûmes de là à celle que nous avions envie d'avoir, et nous nous affermîmes dans ce dessein, quoique, outre plusieurs incommodités qui s'y rencontraient, et auxquelles il était difficile de remédier, il fallait, pour y faire une église, même fort petite, abattre tout ce qui se trouvait dans le logis de plus propre à nous y établir. Il faut avouer que c'est une chose étrange que de se mettre fortement une pensée dans l'esprit, et rien ne me retira de ce mauvais pas que la défiance que j'ai de moi-même, bien que je ne fusse pas, en cela, la seule trompée. Nous résolûmes donc de traiter de cette maison, d'en donner ce qu'on en demandait, quoique le prix fût excessif, et d'en écrire au propriétaire qui était alors dans une autre, proche de la ville. Vous vous étonnerez peut-être, mes sœurs, de voir que je me sois tant arrêté sur l'achat d'une maison, mais vous connaîtrez par la suite les efforts que faisait le démon pour nous empêcher de nous établir auprès de l'église de la Sainte Vierge, et je n'y puis penser sans quelque frayeur. Les choses étant en cet état, j'entrai, au commencement de la messe, dans un grand doute si nous faisions bien, et j'en fus inquiété durant presque tout le temps qu'on l'a dit. Lorsque j'allais communier et que je reçus la Sainte Hostie, j'entendis une voix qui me fit résoudre absolument à ne point acheter cette maison, mais de traiter de celle qui était proche de l'église de la Sainte Vierge. Et voici quelles furent ses paroles, « Cet autre ne vous est pas propre ». Comme il me paraissait bien difficile de rompre une affaire déjà conclue et si approuvée par ceux qui l'avaient négociée avec tant de soin, notre Seigneur répondit à ma pensée, « Ils ne savent pas combien elle me déplaît, et l'autre maison me sera agréable. » Il me vint dans l'esprit si ce n'était point une illusion, j'avais peine à le croire, parce que l'effet que ces paroles opérant en mon âme me faisait connaître qu'elles venaient de l'Esprit de Dieu. Alors notre Seigneur me dit, c'est moi. Ces deux derniers mots dissipèrent tous mes doutes, et me mirent dans le calme. Mais je ne savais comment remédier à ce qui était déjà fait, et au dégoût que j'avais donné à mes sœurs de la maison proche de l'église de la Sainte Vierge, en leur disant que je n'aurais voulu pour tout au monde n'avoir pas été la voir. Néanmoins ce n'était pas ce qui me donnait le plus de peine, à cause que j'étais assurée qu'elles approuveraient tout ce que je ferais. C'étaient ces autres personnes de nos amis que j'appréhendais, sachant qu'elles se portaient entièrement à acheter l'autre maison, et qu'elles pourraient attribuer à la légèreté ce changement si soudain et si contraire à mon humeur qu'elles verraient en moi. Toutefois, ces diverses pensées n'ébranlaient point ma résolution de choisir la maison de la Sainte Vierge, et j'avais même perdu le souvenir des incommodités que j'y avais remarquées, car je comptais pour rien tout le reste, quand il ne se serait agi que d'empêcher nos sœurs de faire un péché véniel, et j'étais persuadé qu'il n'y avait pas une seule d'elles qui n'eût été de mon sentiment, si elle eût su ce que je savais. Je me confessai alors au chanoine Reynoso, qui était l'un des deux qui nous assistait avec tant d'affection, et je ne lui avais encore rien dit de ces choses surnaturelles que Dieu opère dans les âmes, à cause qu'il ne s'était point rencontré d'occasion qui m'eût obligé à lui en parler. Néanmoins parce que, pour marcher dans un chemin plus assuré, j'ai toujours accoutumé de suivre les conseils de mon confesseur, je me résolus de lui dire, sous le sceau du secret, que je ne pourrais, sans une très grande peine, ne pas exécuter ce que j'avais entendu, que j'étais toutefois prêt d'obéir à ce qu'il m'ordonnerait. Mais j'espérais que notre Seigneur ferait comme il l'avait fait en d'autres occasions, qu'encore que mon confesseur fût d'une opinion contraire, il le porterait à suivre sa divine volonté. Avant de lui parler ainsi, je lui avais dit comment Dieu m'avait souvent fait savoir, De la même manière, ses intentions, et que l'on avait connu par les effets que cela procédait de son esprit, néanmoins je l'assurais toujours que, quelque peine que j'en eusse, je ferais ce qu'il m'ordonnerait. Comme ce vertueux, ecclésiastique, bien qu'il ne soit pas fort âgé, et très prudent, quoiqu'il jugeât assez que ce changement donnerait sujet de parler, il ne me défendit point d'obéir à ce que j'avais entendu. Je lui proposai d'attendre le retour de celui que nous avions envoyé vers le propriétaire de la maison dont nous avions traité, il l'approuva, et j'avais une grande confiance que Dieu remédierait à tout, ainsi qu'il le l'est. Car, bien que l'on eût donné au maître de cette maison tout ce qu'il avait voulu et au-delà de ce qu'elle valait, il demanda encore 300 ducats, ce qui était d'autant plus extravagant qu'il avait besoin de vendre. Nous connûmes par là que Dieu voulait nous tirer de cette affaire, et nous laissâmes entendre que nous n'y penserions jamais plus, quoique sans le déclarer précisément, parce qu'il semblait qu'il n'aurait pas fallu, pour 300 ducats, rompre le marché d'une maison qui paraissait nous être si propre pour en faire un monastère. Je dis à mon confesseur que, puisque c'était son consentement, on n'en donnerait pas davantage que ce dont on était convenu, et je le priai de le faire savoir à ce chanoine, son collègue, et que j'étais résolu d'acheter celle de la Sainte Vierge, à quelque prix que ce fût. Il le lui dit, et comme il a l'esprit pénétrant, quoiqu'il ne s'en expliquât pas davantage, un changement si soudain lui fit assez comprendre que je ne m'y étais porté que par quelque grande raison. Ainsi il ne me pressa point de penser encore à la maison de ce gentilhomme. Depuis, nous avons vu clairement que nous aurions fait une grande faute de l'acheter, tant nous trouvons de commodité dans celle que nous avons maintenant, sans parler du principal, qui est que Dieu et sa glorieuse mère y sont bien servis. Au lieu que, pendant que c'était un ermitage, il pouvait s'y commettre de grands désordres dans les veilles qui s'y faisaient la nuit, ce que le démon n'avait pas moins de peine de voir abolir, que nous ressentions de joie de rendre ce service à notre très sainte patronne. Ainsi nous avions mal fait sans doute de ne nous y être pas plus tôt résolus, sans nous arrêter à tant de vaines considérations, et il paraît bien que le démon nous aveuglait, puisque nous avons trouvé en cette maison plusieurs avantages qui ne se rencontrent point ailleurs, et que non seulement tout le peuple qui le désira en témoigne une très grande joie, mais que ceux-là même qui avaient tant d'envie que nous prissions l'autre maison, demeurent d'accord aujourd'hui que nous avons beaucoup mieux fait d'acquérir celle-ci. Béni soit à jamais celui qui m'a éclairé dans cette affaire, et qui m'éclaire dans tout ce que je fais de bien, n'ayant point de jour que je ne vois avec étonnement quelle est mon incapacité en toutes choses. Je ne le dis point par humilité, il n'y a rien de plus véritable. Il me semble que Dieu veuille que je connaisse, et que chacun connaisse aussi de plus en plus, que c'est lui seul qui agit en tout ceci, et que, comme il rendit la vue à l'aveugle né, il éclaire de même mes ténèbres. Elles étaient si grandes dans cette rencontre, que, toutes les fois que je m'en souviens, je voudrais en rendre de nouvelles grâce à notre Seigneur, et je n'en ai pas seulement la force. Ainsi je ne sais comment il peut me souffrir, et je ne saurais trop admirer sa bonté et sa miséricorde. Ces deux chanoines si affectionnés à la Sainte Vierge ne perdirent point de temps pour faire les marchés de ces maisons qui étaient proches de sa chapelle, et ils eurent beaucoup de peine. Dieu permettant que ceux qui nous assistent dans ces fondations en aient toujours, afin d'augmenter leur mérite. Je suis la seule qui ne fait rien, comme je l'ai déjà dit et ne saurais trop le redire, parce que rien n'est plus vrai. Ils travaillèrent aussi beaucoup à accommoder la maison, nous prêtèrent même de l'argent dans le besoin que nous en avions, et répondirent pour nous, en quoi ils me firent une faveur d'autant plus grande, que j'avais eu mille peines dans les autres fondations à trouver une caution pour de sommes beaucoup moindres, et il n'y a point de sujet de s'en étonner, puisque n'ayant pas un quart d'écu, il fallait que ceux qui répondaient pour nous ne cherchassent d'autre sûreté que leur confiance en Dieu. Mais il m'a fait la grâce, dont je ne saurais trop le remercier, qu'ils n'y ont jamais rien perdu. Les propriétaires des maisons ne se contentant pas de la caution de ces deux chanoines, ces messieurs eurent recours à l'économe de l'évêché, qui se nommait, ce me semble, Prudent, et qui a tant de charité pour nous, que nous ne saurions trop la reconnaître. Il leur demanda ce qu'il désirait, et lui ayant répondu qu'il venait le prier de voir être caution avec eux, et de signer le contrat, il leur repartit en riant. « Quoi vous voudriez me rendre caution d'une telle somme ?» Et il signa à l'instant même, ce qui doit passer pour une très grande obligation. « Je voudrais pouvoir apporter ici et donner toutes les louanges qui sont dues à l'extrême charité que j'ai trouvée à Palence. Je pensais être dans les premiers siècles de l'Église, lorsque je voyais que, n'ayant point de revenus, 16 habitants, par une manière d'agir si contraire à celle de ce temps, non seulement ne refusaient pas de nous nourrir, mais considéraient cette action comme une très grande grâce que Dieu leur faisait. Il est certain que, regardant les choses avec les yeux de la foi, cela était véritable. Car, quand il n'y aurait point une autre raison que ce qu'ils avaient une église de plus où était le très saint sacrement, elle suffisait pour leur donner ce sentiment. Qu'ils soient bénis à jamais. Il n'y a personne qui ne voit à présent que notre établissement en ce lieu-là a été agréable à Dieu, puisqu'il en a banni les désordres qui s'y commettaient. Tous ceux qui allaient en grand nombre veiller dans cet ermitage, assis en un lieu écarté, n'y allaient pas par dévotion, et l'image de la Sainte Vierge n'y était pas tenue avec autant de respect qu'elle aurait dû l'être, au lieu qu'aujourd'hui l'évêque, Dom Alvarez de Mendoza, y a fait bâtir une chapelle où il l'a mise, et que l'on embellit toujours en l'honneur et pour la gloire de son divin Fils. Lorsque la maison fut en état de nous recevoir, l'évêque voulut que cela se fît avec une grande solennité. Ainsi, un jour de l'octave du très saint sacrement, il vint exprès de Valladolid, accompagné du chapitre, de tous les ordres, et de presque tous les habitants, avec une bonne musique. Il commença la cérémonie par une procession à laquelle nous assistâmes toutes, depuis notre maison, avec nos voiles baissés, nos manteaux blancs, et des cierges à la main. On alla premièrement à une paroisse où l'on avait apporté l'image de la Sainte Vierge, et, après y avoir pris le très saint sacrement, on le porta, en cérémonie et avec grande dévotion, dans notre église. Nous étions en assez bon nombre, parce que, outre les religieuses que j'avais amenées, il en était venu d'autres pour faire la fondation de Sori. Je crois que notre Seigneur fut beaucoup loué en ce jour, et je souhaite qu'il le soit à jamais de toutes les créatures. Durant que j'étais en ce lieu de Palence, la séparation des carmes déchaussés et des mitigés se fit, et ils eurent chacun un provincial, qui était tout ce que nous pouvions désirer pour vivre en paix. Ce fut à l'instance de notre roi catholique, Dom Philippe, que l'on obtint pour ce sujet un bref de Rome fort ample, et Sa Majesté continue toujours de nous favoriser. On assembla un chapitre dans Alcala, par l'ordre du révérend père Jean de la Cuevas, alors prieur de Talavera, de l'ordre de Saint-Dominique, député du Saint-Siège, et nommé par Sa Majesté, qui était un homme dont la sainteté et la prudence répondaient à un emploi de si grand poids. Le roi paya la dépense faite pour le chapitre, et toute l'université lui fut favorable pour son ordre. Il se tint avec beaucoup de tranquillité dans le collège des Carmes déchaussés qui porte le nom de Saint-Cyril, et le père Jérôme Gratien de la Mère de Dieu fut élu provincial. Comme ses pères ont écrit ce qui se passa dans ce chapitre, il serait inutile d'en parler ici davantage, et ce que j'en rapporte n'est qu'à cause que notre Seigneur permit que ce fût dans le temps de la fondation dont il s'agit que se fit une action si importante à sa gloire et à l'honneur de sa très sainte mère, notre patronne. La joie que j'en ressentis fut l'une des plus grandes que je pouvais recevoir en cette vie, car les peines, les persécutions et les travaux que j'avais souffert durant plus de 25 ans, et que Dieu seul connaît, avaient été telles que je ne finirais jamais si j'entreprenais de les écrire, et qu'ainsi il faudrait les avoir éprouvés pour comprendre quel fut alors mon contentement. J'aurais souhaité que tout le monde m'eût aidé à en rendre grâce à notre Seigneur, et à lui offrir des prières pour notre saint roi. Il me parut visiblement qu'il s'était servi de lui pour terminer quelque grande affaire, malgré les efforts et les artifices du démon, qu'il aurait entièrement renversé si elle n'eût été soutenue par la piété et l'autorité de ce grand prince. Maintenant qu'ayant plu à Dieu d'exaucer nos prières, nous jouissons tout, tant mitigés que réformés, d'une paix qui lève tous les obstacles qui pouvaient nous empêcher de bien le servir, je vous conjure, mes frères et mes sœurs, de ne manquer à rien de ce qui peut dépendre de vous pour vous acquitter de ce devoir. Ceux qui sont encore au monde sont témoins des peines et des travaux dont il nous a délivrés, et des grâces qu'il nous a faites, et ceux qui viendront après nous, et qui trouveront les voies aplanies et toutes les difficultés levées, ne doivent, ils pas s'efforcer de maintenir les choses dans cette perfection. Je les prie, au nom de notre Seigneur, donc pas donner le sujet de dire de ce que l'on dit de quelques ordres, que les commencements en étaient louables. Nous commençons, et ils ne doivent pas seulement s'efforcer d'entretenir ces commencements, il faut qu'ils tâchent de les pousser encore plus avant, qu'ils considèrent que le diable fait de grandes plaies dans les âmes, par des choses qui ne paraissent que de petites égratignures, et qu'ainsi ils se gardent bien de dire, cela importe peu et ne mérite pas que l'on s'y arrête. Tout est important, mes filles, pour peu qu'il nous empêche de nous avancer dans le service de Dieu. N'oubliez jamais, je vous prie, avec quelle promptitude tout passe, combien grande est la grâce que Dieu nous a faite de nous appeler dans ce saint ordre, et quelle sera la punition de ceux qui commenceront d'y introduire le relâchement. Ayons toujours devant les yeux ces saints prophètes qui sont nos pères, comme aussi ce grand nombre d'autres saints qui, après avoir porté l'habit que nous portons, sont à présent dans le ciel, et ne craignons pas de nous assurer, par une louable et sainte présomption, que Dieu nous fera la grâce d'avoir un jour part à leur gloire. Ce combat, mes sœurs, que nous avons à soutenir, durera peu, et il sera suivi d'une éternité. Méprisons tout ce qui ne subsiste point par soi-même, et ne pensons qu'à aimer et à servir Dieu, afin d'arriver à ce bonheur qui ne finira jamais. Ainsi soit-il. Fondation du monastère des Carmélites de la Très Sainte Trinité de Sory. Markendanarchive.org, d'après, abbaye-saint-benoît.ch, Thérèse d'Avila Fondation PDF, licence Creative Commons CC 3.0F, pas d'usage commercial partage à l'identique.